Le Conseil du paix du monde a publié une déclaration pour affirmer que le peuple coréen a le droit de décider de son destin et de son avenir avant de condamner la résolution de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU contre lui.